Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 21 un mémorandum pour révéler des crimes des Américains qui, après le grand deuil de la nation coréenne, ont livré sans cesse des actes hostiles au paroxysme contre la Corée populaire pour nous obliger d'intensifier les forces nucléaires. En voici le résumé. Depuis 2012, juste après le grand deuil national, les Américains ont poursuivi ouvertement l'objectif visant à supprimer politiquement notre République et effondrer notre régime à tout prix, alors que ces 5 dernières années, ils ont dévoilé sans réserve la tentative de faire la première attaque militaire contre notre République, tout en intensifiant à une grande vitesse des menaces militaires contre nous. Des menées de sanctions américaines, livrées à un rythme très élevé pour nous suffoquer ces 5 dernières années, étaient vraiment sans précédent. C'est la raison pour laquelle que nous avons opté pour l'armement nucléaire en tant que mesure autodéfensive pour préserver notre État et notre régime contre des menaces nucléaires permanentes des Américains et que nous renforçons les forces nucléaires qualitativement et quantitativement en prenant la ligne de promotion simultanée de l'éducation économique et de celle des forces nucléaires pour ligne stratégique. Que les Américains voient correctement la position stratégique changée de la République populaire démocratique de Corée et montrent par action leur volonté de retirer leur politique d'hostilité envers la Corée de nature anachronique et leur menace nucléaire contre la Corée. Il s'agit là d'un point de départ de la solution de tous les problèmes.